Madrigal. Sous cette fougère où nous sommes, six fois durant le même jour, je fus le plus heureux des hommes. Nous étions seuls avec l'amour. Sur les lèvres de mon ami s'échappa mon dernier soupir. Un baiser me faisoit mourir, un autre me rendoit la vie.